Vous écoutez Futur Simple sur CKRL et pour commencer l'émission, eh bien nous partons dans le Nord explorer les tourbières. Nous y partons en compagnie d'étudiants de l'INRS. On va d'ailleurs commencer par un rapide tour de table pour vous les présenter. Donc je vais commencer par Grégor. Oui, bonjour. Je suis Grégor Levrel. J'ai une formation de géologue avec une spécialisation en sciences du sol. Je fais actuellement un doctorat sous la tutelle d'Alain Rousseau et de Pierre Lafrance. Mon sujet d'étude, c'est la caractérisation de l'infiltration dans les sols boréaux. Et je laisse mes deux confrères se présenter également. Bonjour, mon nom est Sandra Proumekenis. J'ai une formation de géographe. J'ai aussi effectué une maîtrise en sciences de l'eau à l'INRS de septembre 2008 à décembre 2010. Mon projet était dirigé par André Saint-Hilaire et co-dirigé par Alain Rousseau. Mes principaux objectifs étaient de calculer un bilan hydrologique sur une tourbière et aussi de la représenter en trois dimensions par la cartographie. Je suis présentement assistante de recherche à l'INRS depuis janvier 2011. Donc le troisième, c'est moi, c'est Gwenaël Carrère. Donc, je suis originaire de France. J'ai une formation de biologiste et géologue. Et puis, je suis arrivé en septembre 2008 à l'INRS à Québec pour faire mon doctorat avec, entre autres, Alain Rousseau sur l'hydrodynamique des tourbières boréales. Et donc, pour rappeler en fait les différents professeurs qui s'occupent de nous, il y a essentiellement trois professeurs qui sont Alain Rousseau, André Saint-Hilaire, donc tous les deux de l'INRS, et un nouveau professeur à l'Université Laval qui s'appelle Sylvain Jutras. Et donc, notre projet qui s'occupe des tourbières, de l'hydrologie des tourbières boréales, fait partie d'un projet un peu plus gros qui s'appelle Aqualis 2, et qui est en fait un projet pluridisciplinaire avec des gens qui s'occupent de gaz à effet de serre, de télédétection, et puis aussi de géographie. Donc, il y a de multiples antennes, c'est pas juste les tourbières, qu'est-ce qui se passe dans cet amas de mousse qui fait chpong-chmouche quand on marche dessus là, c'est ça, donc nous trois, on travaille sur, l'équipe hydrologie, mais il y a d'autres équipes aussi. D'accord. Donc là, vous êtes deux étudiants et assistantes de recherche, vous travaillez dans l'équipe, je vais résumer, du professeur Alain Rousseau. Vos projets, donc vous l'avez dit, vos projets de recherche touchent aux tourbières, donc les sols nordiques. Pourquoi donc s'intéresser particulièrement aux tourbières? On n'a pas l'impression que dans la vie de tous les jours, c'est si important que ça. En fait, on sait qu'à la Baie-James, il y a un gros complexe de barrages hydroélectriques, le complexe de la Baie-James, le complexe Lagrande, qui compte 8 centrales hydroélectriques. Ces centrales-là fournissent 50% de la production totale d'hydroélectricité d'Hydro-Québec. Mm-hmm. Et sur ces bassins versants-là, il y a un énorme pourcentage de tourbières. Et comme l'effet des tourbières sur le niveau d'eau dans les barrages est méconnu, les Hydro-Québec et le CRSNG, qui est le Conseil de recherche en sciences naturelles et génie, et Uranos, ont voulu subventionner un projet pour insérer les tourbières dans leur modèle hydrologique, étant donné que leur impact était méconnu. Mm-hmm. Tout ça pour mieux gérer l'apport d'eau dans les réservoirs et ainsi la production hydroélectrique. Donc finalement, on parle pas trop des tourbières, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même une grosse superficie de tourbières qui renferme beaucoup d'eau et qui donc joue un rôle non négligeable dans l'apport d'eau dans les grandes rivières. Et donc en fait, c'est ça, le bassin versant de la rivière Lagrande, donc c'est une grande superficie. Des études ont montré qu'il y a environ 20% de la superficie qui correspond à seulement des tourbières. Mm-hmm. Donc un impact très important des tourbières sur ce bassin versant. Et puis vu qu'on commence à parler de bassin versant, on va peut-être donner une définition. Oui. Donc un bassin versant, c'est une portion d'un territoire qui est délimité par des crêtes, donc un haut niveau topographique, et où les eaux viennent alimenter un exutoire commun. Finalement, l'eau s'écoule vers un exutoire, donc vers une sortie. Et puis on peut prendre, par exemple, une baignoire. Si on prend une baignoire, on va dire que c'est le bassin versant, ça va être la baignoire. Ouais. Si on met du sable ou de la tourbe ou de la terre à l'intérieur, ça va être la structure, donc notre sol du bassin versant. Les entrées, ça va être les pluies. Donc au final, quand on va ouvrir la pomme de douche de la baignoire, ça va faire rentrer de la pluie, ça va être nos intrants. Et les sorties, ça va être la sortie de la baignoire. Donc c'est ça qu'on va appeler l'exutoire. Mm-hmm. D'accord. Donc, finalement aussi, on peut dire que le bassin versant, c'est la collecte de toutes les sources d'eau qui viennent se jeter dans une même rivière ou dans un même... Dans un même exutoire. D'accord. Donc là, vous vous intéressez particulièrement aux tourbières, là, dans ces bassins versants. Mais ça se caractérise comment? Est-ce qu'il y a ces différents types de sols? C'est quoi? Ça se caractérise comment, ces tourbières? C'est ça. Sur les bassins nordiques, vous parlez de tourbières, mais il n'y a pas que des tourbières. Ouais. C'est ce qu'on disait, hein, 20% de la surface du bassin versant de la rivière de la Grande occupée par des tourbières. Mais essentiellement, dans le nord, dans les environs qu'on a étudiés, on trouve trois grands types de sols. Donc, chaque type de sol a une localisation très particulière sur le transect topographique. Sur les hauteurs, on trouve essentiellement des sols quasiment exclusivement minéraux, sur lesquels on peut retrouver des humus forestiers et un petit couvert de lichen. Et par-dessus, on a une forêt très clairsemée qui se développe sur ces sols-là. Sur les pentes, on va retrouver des sols qui sont composés à la fois d'un niveau minéral à la base, mais qui sont surplombés par un épais horizon tourbeux. Et cette tourbe, c'est une accumulation de débris forestiers, de sphaignes décomposés. Et là, on est en domaine forestier très dense. Mmh. Et dans les creux topographiques, c'est là que l'essentiel des tourbières vont se développer. Et là, on va rencontrer exclusivement des sols organiques qui sont dont l'origine, c'est l'accumulation de sphaignes décomposés ou de débris herbacés décomposés. Mmh. D'accord. Puis donc, ces différents types de sols ont chacun leur capacité à retenir l'eau. C'est ça. Et donc, à alimenter la rivière. C'est ça. Donc... la capacité d'un sol à retenir l'eau, c'est lié à sa porosité, hein, au vide dans lequel l'eau de pluie va pouvoir être stockée. Et l'eau de pluie, elle va être plus ou moins fortement stockée par le sol en fonction de la grosseur des pores. Dans les gros pores, on va avoir ce qu'on peut appeler de l'eau gravitaire parce qu'elle va pouvoir être remobilisée sous l'effet de la gravité, simplement. Donc elle est faiblement retenue. Et on a un deuxième type d'eau, c'est l'eau capillaire. L'eau capillaire, elle va se trouver dans les pores très fins et elle va être très difficile à remobiliser et à faire circuler parce qu'elle est coincée. C'est ça, elle crée des interactions avec les parois de pores, des interactions à l'échelle atomique. Mmh. Et donc après, cette eau-là, elle peut être remobilisée au niveau des circulations capillaires pour aller alimenter la surface du sol et être perdue sous forme d'évaporation, d'évapotranspiration. Ou alors, elle peut circuler de manière plus gravitaire et aller jusqu'à l'exutoire. C'est ça, d'accord. Sous forme de ruissellement ou en circulant au travers des sols. D'accord. Et de quelle façon on étudie, comment on fait pour étudier le devenir de l'eau dans ces différents sols? Est-ce qu'on va sur place et puis on regarde l'eau s'évaporer? Est-ce qu'on va sur place et on mesure l'eau qui coule au final, c'est vrai que pour mesurer le devenir de l'eau, si on part par exemple d'un bilan hydrologique, on va essayer de mesurer différents termes du bilan. En fait, un bilan hydrologique, ça va être des intrants, qui sont des précipitations, des sorties qui vont être l'évapotranspiration et du ruissellement de surface. L'évapotranspiration, c'est juste l'évaporation par la chaleur du soleil ou aussi par la végétation? Exactement, c'est ça. Par le vent aussi, peut-être? Oui, c'est ça. Exact. D'accord. Et donc, à l'intérieur de ce bilan, donc des entrées et des sorties, il va y avoir une variation de stockage. Donc ces quatre termes, les pluies, le débit, l'évapotranspiration et le stockage, on va pouvoir les mesurer différemment. Mais comment vous faites pour mesurer ça? J'ai un peu de mal concrètement à imaginer ça. Alors on peut peut-être commencer par Sandra qui va nous expliquer comment on mesure l'évapotranspiration dans un sol. Bon, premièrement, l'évapotranspiration, c'est un terme qui est assez difficile à mesurer de manière directe sur le terrain. Il y a plusieurs auteurs qui ont utilisé des équations, qui ont développé des équations à partir de modèles. Ces équations-là se fient entièrement sur des facteurs qui sont enregistrés par une station météorologique, comme l'humidité du sol, la température de l'air et plein d'autres facteurs. On peut mesurer la température, l'humidité de l'air aussi au-dessus des sols aussi? Ou? Oui. Ça se mesure. Oui, oui. Mais on ne l'a pas fait, ça. Non, okay. Mesurez-vous la vitesse du vent aussi? C'est ça. Oui. La vitesse du vent aussi. Oui. C'est dans la station météorologique, ça. OK. Donc, on voulait aussi calculer, essayer de mesurer l'évapotranspiration de manière directe avec un appareil pour venir effectuer une comparaison avec les équations qui existent déjà. Donc, on a installé des lisimètres. Un lisimètre, c'est un cube de sol qui est isolé dans une toile géotextile qui est imperméable. Donc, ce cube-là, il est isolé du ruissellement qui l'entoure. Donc, les fluctuations d'eau dans ce cube-là sont directement le résultat des précipitations, c'est mm-hmm. la pluie. Ça, c'est les entrées. Les sorties d'eau, c'est principalement l'évapotranspiration. Donc, avec un calcul simple, c'est facile de calculer un taux d'évapotranspiration à chaque jour. Mm-hmm. Et ensuite, on peut venir comparer ces taux obtenus-là avec les équations calculées. Oui, et est-ce qu'on peut savoir si c'est la part du végétal ou si, est-ce qu'on peut relier un taux d'évapotranspiration à un type de sol particulier, comme le premier type de sol en hauteur, je ne sais plus comment il s'appelait, ou la tourbe? Ce qui a surtout essayé, on a surtout essayé de faire, de trouver des relations entre l'évaporation et la profondeur de la nappe. Mais c'est D'accord. sûr que le type de sol va jouer parce que les remontées capillaires vont être différentes en fonction de la taille des grains, de la nature des grains et ce qu'on disait tout à l'heure, la force de rétention de l'eau. Mm-hmm. Donc c'est sûr que la nature du sol va jouer sur l'évaporation. Et donc sinon, pour le devenir de l'eau, pour les autres termes du bilan, il y a aussi, on s'est beaucoup intéressé aussi au stockage de l'eau. Donc on a tous les trois travaillé un peu sur ce stockage et la méthode principale pour étudier ce stockage, c'est de mettre des puits à différents endroits sur le bassin versant. Donc des puits, finalement, c'est un tube creux qu'on enfonce dans le sol et qui est crépiné avec plein de trous. Crépiné? C'est-à-dire qu'il est troué, en fait. Ouais. Donc c'est-à-dire que l'eau de la nappe rentre dans ce tube et s'équilibre avec la nappe du sol. Mm-hmm. Et donc avec des mesures, par exemple sur le terrain, on peut prendre la profondeur dans le tube, la profondeur de la nappe, mm-hmm. ou on peut mettre un capteur automatique qui va mesurer pendant tout l'été le niveau de la nappe. Et donc la nappe, finalement, la fluctuation de la nappe, c'est l'une des façons de mesurer le stockage de l'eau dans le sol. Donc la quantité d'eau qui est retenue dans la tourbière ou les autres... C'est ça, donc c'est des variations de quantité d'eau, c'est-à-dire que quand la nappe est haute, c'est parce qu'il y a une grosse quantité qui est stockée, puis en été, quand le niveau d'eau diminue, finalement l'eau est déstockée. Mm-hmm. D'accord. Et est-ce qu'il y avait d'autres moyens d'études pour aller voir sur le terrain que devient l'eau qui tombe, qui tombe du ciel et qu'est-ce qu'elle devient? Mais en fait, il y a aussi le débit qui est enregistré à l'exutoire du site. Il y a des canaux qui ont été installés, un canal en forme de V à l'exutoire. Donc l'eau a été dérivée vers un point fixe parce que l'écoulement est un peu diffus dans une tourbière. Ce canal-là, on mesure une hauteur d'eau à un pas de temps spécifique. Et avec une équation, ça permet de connaître le débit à chacun des jours aussi. D'accord. Donc là, finalement, vous êtes capable de mesurer la quantité d'eau qui est retenue dans le sol, celle qui s'échappe, celle qui s'échappe transversalement. Transversalement, le long qui court sur le sol. Ça, c'est le ruissellement. C'est ça, le ruissellement. Celle qui s'évapore. C'est ça, celle qui s'infiltre, qui va circuler à l'intérieur du sol. Ouais. OK. Et puis... Après, on établit un bilan par rapport aux débits qui sont mesurés à l'exutoire du bassin versant. D'accord. Donc, et est-ce qu'ensuite, pour agrandir à ce bassin versant, parce que là, vous avez étudié une j'imagine que vous n'avez pas étudié toutes les tourbières du bassin versant, donc comment vous avez fait? C'est l'un des objectifs qu'il y aura à la fin de cette mission, c'est effectivement, nous, on a un site d'études instrumenté, et c'est un tout petit micro-bassin versant de 12 hectares. Et l'objectif, c'est d'acquérir donc pas mal de données d'évaporation, de flux, de rétention hydrique, et de les intégrer dans un modèle hydrologique, et pour pouvoir l'appliquer à d'autres bassins versants de la rivière La Grande, par exemple, mm-hmm. ou même ailleurs au Québec, ou même au Canada. Mais il faut pouvoir tester la validité de la paramétrisation de ce modèle-là, et pour ça, ben faut regarder si avec le modèle on sera capable de prédire ouais. les débits sur d'autres bassins versants, des débits qui auront déjà été mesurés pour s'assurer de la validité mm-hmm. de notre paramétrisation. Mais même avant d'aller voir les autres bassins versants, il faut que depuis votre dispositif expérimental qui fait 12 hectares, bon, le bassin versant de la rivière La Grande, il est plus grand que ça, j'imagine. Il fait 17 millions d'hectares. C'est ça. Ouais. Donc, comment vous faites pour extrapoler de ce petit carré d'étude à tout le bassin versant? En fait, nous, notre étude, parce que pour faire une extrapolation à un grand bassin versant, ça nécessite énormément d'études. Mm-hmm. Donc, on est plutôt à l'amont des études de cette étude. Donc là, on s'intéresse à un petit bassin, voir comment que ça réagit, quelles sont les interactions. Donc ça, c'est notre travail sur un tout petit bassin. Après, les études qui viendront plus tard, ce sera d'essayer de comparer finalement ce qu'on a obtenu, nous, sur un petit bassin, sur d'autres petits bassins ou des bassins un tout petit peu plus grands. D'accord. Pour plus tard, après beaucoup, beaucoup d'heures de travail, arriver à un grand bassin. Parce qu'en fait, nous, là, on travaille, on est à l'origine, finalement, des équations qui seront mises dans un modèle hydrologique. Mm-hmm. Donc, l'équipe d'Alain Rousseau travaille sur le modèle HydroTel. Mm-hmm. Donc, c'est un modèle hydrologique qu'on peut comparer à une espèce de boîte noire où il y a énormément d'équations. Ces équations, en fait, elles décrivent tous les mouvements d'eau qu'il y a à l'intérieur d'un bassin versant. Donc ça donne en sortie un débit, donc ça simule un débit. Les entrées, c'est les pluies et la température. Donc nous, on est finalement en train de travailler pour préciser des équations okay. à l'intérieur de ce modèle. Donc ce modèle, il faudrait déjà l'appliquer à une petite structure. Donc nous, on travaille sur un petit bassin. Mais avant d'arriver au grand bassin de la rivière La Grande, mm-hmm. il y aura sans doute d'autres étudiants à passer derrière nous. D'accord. Donc là, vous avez été sur le terrain peut-être une fois, deux fois, trois fois, récolter des informations. Des échantillons. Ouais, récolter des échantillons. Ça veut dire qu'après, vous revenez au laboratoire avec vos échantillons pour faire les études, pour faire les observations. Donc c'est ça. Il y a effectivement des mesures de terrain dont Gwenaël et Sandra ont parlé tout à l'heure. Et il y a aussi des mesures au laboratoire pour notamment valider les estimations de stockage en eau qui ont été faites sur le terrain, pour les préciser, pour faire des mesures de porosité qui sont difficiles à faire sur le terrain. Enfin, Mais on ramène quoi ? Des colonnes de sol ? C'est ça. Donc nous, ce qu'on avait ramené, c'est on avait prélevé tous les couverts de mousse vivant, chaque horizon, chaque niveau de sol, ouais. Et même des sols complets pour connaître finalement les interactions. Il y a des interfaces, par exemple, entre les horizons minéraux et organiques, et savoir finalement si le flux d'eau s'arrête à l'interface, s'il y a une couche qui devient imperméable en fonction de son état de saturation, des choses comme ça. Mm-hmm. Et tout ça, on peut l'étudier qu'à travers des colonnes de sol intégrales non remaniées. Mm-hmm. Et qu'est-ce que vous avez trouvé globalement à faire toutes ces observations d'eau qui rentrent, qui s'évaporent? Est-ce que... Donc moi, j'ai travaillé plutôt sur le stockage de l'eau. Une première partie, c'était surtout travailler sur le stockage de l'eau. Et les premiers résultats, parce que moi, je suis en gros à la moitié de mon doctorat, les premiers résultats montrent que finalement, le stockage de l'eau qui est dû au gonflement des tourbières, parce que les tourbières, ça gonfle, ça dégonfle. Donc ce gonflement est très petit par rapport au stockage qui est lié aux variations, fluctuations de la nappe. Parce qu'en fait, dans le stockage, dans un sol tourbeux, sol organique, il y a un stockage qui est lié aux fluctuations de la nappe et un stockage qui est lié aussi aux fluctuations du sol. Mm-hmm. Donc là, les fluctuations du sol dans ces milieux sembleraient être assez petits par rapport aux fluctuations de la nappe. Mm-hmm. Et sinon, j'ai fait aussi de l'isotopie. Donc je suis en train de commencer des études pour essayer de faire du traçage de l'eau, par exemple, savoir d'où vient l'eau. Et là, je suis encore qu'au début, mais les premiers résultats sembleraient montrer qu'au niveau de notre site, notre tourbière, c'est pas juste une tourbière avec de la tourbe, il y a énormément de mares qui se sont formées sur la tourbière depuis des siècles. Et donc ces mares, en fait, sembleraient jouer un rôle de gros mélanges de l'eau. Finalement, ce serait comme une lessiveuse. Mm-hmm. Et donc ça peut engendrer des problèmes sur la réflexion de la chimie dans des sols comme ça. Mm-hmm. Et vous, Sandra, comment est-ce que vous êtes arrivée à quantifier l'évaporation de l'eau? Oui, en fait, j'ai obtenu des taux d'évapotranspiration réels. Ça m'a permis de voir que, en général, les équations les équations empiriques, ils sous-estiment un peu l'évapotranspiration dans ces milieux-là. Surtout que l'évapotranspiration constitue le flux de sortie d'eau majeur durant l'été dans ces types de tourbières-là, au moment où les températures sont élevées et où il y a des hauts taux d'ensoleillement, en fait. Mm-hmm. Donc ça, c'est autant d'eau qui est perdue pour le barrage hydroélectrique en aval, tout ça. Exactement. Ouais. Mais c'est intéressant à le quantifier. Ouais. Et donc, du côté des sols, qu'est-ce que vous avez observé? Moi, j'ai pas encore fini mes expériences, mais j'ai, pour l'instant, pour chaque type de sol et pour chaque horizon individualisé et chaque couvert de mousse, j'ai pu obtenir des courbes de rétention hydrique et des courbes de conductivité hydraulique. Et la conductivité hydraulique, c'est la capacité d'un matériau à se laisser traverser, en l'occurrence par l'eau, mais par un liquide plus en général. Mes missions prochaines, ça va être justement de caractériser les interfaces entre horizons, notamment entre horizons minéraux et horizons organiques, parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait un effet de barrière capillaire avec des ruissellements, ce qu'on appelle des ruissellements hypodermiques, à l'interface des horizons. Mm-hmm. Donc ça veut dire que ce serait des ruissellements en sous-couche, finalement, parce que les horizons, c'est pas un terme qui est très connu, c'est un niveau de profondeur. Un niveau de profondeur, d'accord. Oui. Donc il y aurait des ruissellements un petit peu en profondeur, sans que ça aille jusqu'à l'interface roche-sol. Ouais. Il y aurait une nappe perchée, si vous voulez. Mm-hmm. Donc, après vos travaux, quelle va être la suite une fois que vous aurez chacun déterminé les équations pour les sols, pour l'évapotranspiration, pour la rétention dans le matériel? Comment on va mettre tout ça ensemble? En fait, nous, dans notre projet, Sandra, elle a fini maintenant, elle travaille pour l'ENRS, elle n'est plus étudiante. Mais dans nos projets, on n'est pas censé aller si loin de proposer un modèle. Oui, je comprends. Ouais. Ça nécessiterait peut-être que, par exemple, pour rigoler, l'INRS nous donne une bourse et nous engage pendant 20 ans. Mais en gros, si on arrive déjà à proposer différentes équations, donc chacun s'intéresser à sa problématique, des personnes qui viendront après prendront ces équations pour essayer de faire tourner un modèle déjà à petite échelle, etc. Oui, d'accord. Donc un modèle à petite échelle, puis un modèle à l'échelle de tout le bassin versant. Peut-être le même modèle si jamais les paramètres ont une validité à grande échelle, c'est ce qu'on peut espérer. Ouais. Donc ensuite, à échelle du bassin versant, peut-être avec des étapes de validation, pour vérifier que c'est bien comme vos premières équations l'ont montré. Et ensuite, en fonction de ça, on va être capable de prédire le niveau d'eau dans un barrage hydroélectrique? en fait, normalement, quand on fait un modèle hydrologique, l'avantage de faire un modèle hydrologique qui est déjà calé, c'est avec des précipitations futures qu'on peut prédire, par exemple, avec les modèles climatiques. Mm-hmm. On peut essayer d'estimer aussi les quantités d'eau qui pourraient arriver dans les débits plus tard. Donc ça, c'est à long terme. Mais on peut faire aussi, d'après des modèles hydrologiques, récupérer la pluie qui est tombée, par exemple, aujourd'hui, faire passer ça dans le modèle. Et on sait que, admettons, demain, il y aura tant d'eau à sortir du modèle. Ah oui. Donc on peut estimer quelle est la quantité d'eau qui va sortir du modèle. Donc après, au niveau du barrage, on peut estimer quelles seraient les variations d'eau dans le barrage. Ah d'accord, donc ça permet, si on sait qu'il est tombé telle quantité de précipitation sur un territoire donné, on peut dire que dans tant de jours ou tant de semaines, ça va alimenter la rivière, la grande et le barrage. C'est ça, quel retard il y aura, sachant qu'on connaît la nature des sols et la réaction du sol à une pluie. Ouais. On va, s'il y a eu une grosse pluie, et que on s'attend à une grosse quantité d'eau qui pourrait endommager le barrage, on va pouvoir. Ah ouais. Hydro-Québec va sûrement pouvoir se servir de ce modèle-là pour entreprendre des actions adéquates et peut-être ouvrir ses évacuateurs de crues, des choses comme ça. Oui, d'accord. C'est assez fascinant finalement de voir comment des études sur les tourbières qui, pour le commun des mortels, ne semblent pas si importantes que ça, mais peuvent avoir vraiment des conséquences vraiment importantes pour Hydro-Québec, par exemple. Est-ce que vous savez, juste pour finir assez rapidement, si ce genre d'études a déjà été entrepris ailleurs, dans les autres provinces? Parce qu'il n'y a pas pas juste au Québec, il y a des tourbières. En tout cas, déjà, ce qu'on sait, c'est que sur la rivière de la Grande, qui est une très grande rivière, parce que 170 000 km², c'est déjà très grand, c'est quand même parmi les premières études. Okay. Donc, il y a eu quelques études avant, mais il n'y a pas vraiment d'études, il n'y a pas vraiment beaucoup d'études. Sur les autres bassins, je pense qu'ils sont à peu près au même stade que nous. Et puis, même s'il y a eu des gens qui ont étudié les bassins avec des tourbières, c'est peut-être dans des contextes climatiques très différents, avec des natures de sol très différentes. Et oui. C'est pour ça que la paramétrisation du modèle, après, ne sera pas forcément adaptée si on prend des paramètres étudiés plus au sud, par exemple. Bah, je vous remercie beaucoup tous les trois. Donc, je vais essayer de redire vos noms. Sandra Proumaknis, Gwenaël Carrère et Grégor Levrel. Donc, merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler de vos travaux qui se font finalement dans une université à côté de chez nous, juste ici à l'INRS à Saint-Roch. Alors, merci beaucoup à tous les trois. Merci. Et pour nous, maintenant, c'est le temps de faire une pause publicitaire. Vous écoutez toujours Futur Simple sur CKRL au 89.1.